La plus grande différence qu'il y a entre un riche et un pauvre, ça s'appelle la mentalité. Ce n'est pas de l'argent. On peut prendre 2 millions de dollars aujourd'hui et on le donne à un pauvre. Il va le gaspiller inutilement, il va acheter du n'importe quoi et finalement, il risque de se trouver la mort. Parce qu'il va essayer tout, il va faire tout et il risque de mourir. C'est grave. Alors voici pour vous 5 différences qu'il y a entre un riche et un pauvre. Un pauvre croit que la vie est contre lui, tandis qu'un riche croit que la vie est pour lui. Un pauvre croit que pour réussir sa vie, il faut au minimum avoir 100 dollars, 1000 dollars, 5000 dollars ou 10 000 dollars en banque, naître d'une famille riche, avoir de parents riches, faire de très bonnes études, étudier dans de très bonnes universités et finalement naître dans un pays où on te donne le foufou for free. Tandis que le riche croit que pour réussir sa vie, il faut avoir une vision. Savoir ce que tu veux et pourquoi est-ce que tu le veux. Transformer tes désavantages à tes avantages et finalement bosser dur pour atteindre tes objectifs. Un pauvre croit que la vie est une série d'événements qui nous arrivent et on est totalement incapable de créer quoi que ce soit. Un riche croit que nous avons la capacité de créer notre propre vie selon l'ordre que le Créateur nous avait donné, celui de dominer et de cultiver la terre. En d'autres termes, transformer ce que nous avons, transformer notre mind, transformer notre connaissance à de l'argent. Le pauvre se plaint à cause des événements qui lui arrivent, de problèmes, des obstacles. Tandis que le riche va au-delà de ça et se lance à la recherche des opportunités. Le pauvre limite sa pensée à de très petites choses qui sont facilement réalisables. Par exemple, j'ai 100 dollars, je m'achète un téléphone. J'ai ceci, je me fais ceci. J'ai ça, je me fais ceci. Des choses qui sont facilement réalisables et qui peuvent facilement atteindre. Tandis que le riche élève son imagination, l'étend et pense grand. Il dit que tout est possible, même son rêve le plus fou est réalisable. Être riche ou pauvre, réussir ou échouer, tout dépend de ton état d'esprit. Napoléon Hill a dit que notre propre limitation est ce que nous avons nous-mêmes établi dans notre pensée. Qu'est-ce que tu penses sur toi? Qu'est-ce que tu penses sur ta vie? Qu'est-ce que tu penses sur ton futur? Qu'est-ce que tu penses sur ta réussite? Tu penses quoi sur toi? Si ces pensées sont négatives, c'est le moment de transformer ces pensées négatives en des pensées positives par la méthode d'autosuggestion. Ce qui veut dire, tu déclares des choses positives sur ta vie. Tu déclares de bonnes choses sur toi. Beaucoup de gens vont dans les églises pour chercher de prophètes et pasteurs afin qu'ils puissent prophétiser pour eux. Mais ils ne réalisent pas que le plus grand prophète qui puisse exister sur terre, c'est toi. Car même si Dieu dit que tu vas devenir pasteur, tu vas devenir riche, si tu ne le crois pas, ça ne va jamais se réaliser. La Bible dit que ce qu'un homme pense dans son cœur, c'est ce qu'il devient.